Ah oui, j'avais une anecdote. Ok. Ah. Il y a une pente qui existe depuis 50 ou 80 ans, ou je sais pas quoi, sur le marché. Depuis super longtemps. Puis le problème avec cette pompe-là, c'est que quand elle bouge lentement, puis elle va changer de un système de valve de direction, quand elle va vers le bas, elle fonctionne très bien. Mais quand elle arrive en haut, si elle arrête à un point, elle repart plus, puis la pompe, elle bloque, elle arrête de fonctionner. Puis pendant des années, les ingénieurs se sont concentrés à essayer de réparer ce problème-là, puis il n'y a rien à faire pour ça. Fait que j'ai une personne qui a réussi à faire de quoi. Moi, je me suis dit, si la valve en bas est défectueuse, ben ça va faire qu'elle va arriver en haut, puis elle va vouloir changer de direction. Seul. Puis ça a marché. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pogné une drill, puis j'ai fait un trou dans la valve, puis la pompe arrête de fonctionner correctement, normalement, puis tout va bien. Fait que j'ai réussi à résoudre ça. À botcher un peu, en faisant comme un trou et une drill, tu sais. Dans la valve directement, à faire fonctionner une pompe que ça fait des ingénieurs 50 ou 80 ans qui se cassent la tête là-dessus, puis qui n'ont pas réussi, puis moi j'ai fait. Et voilà. Quand puis là, c'est une pompe qu'on met sur le marché, là. Ouais, tu mets la pompe sur le marché. Ouais, on se passe la place. Et tu sais quoi, déjà, design et clope. Tu vas tuer, tu t'inquiètes. Tu as choisi la couleur. Bon, c'est la couleur de la compagnie bleue. C'était l'explication de ce que j'ai fait derrière.